elles se marièrent et eurent beaucoup d'emmerdes. De Hélène Le Gall. Cinquième épisode, on verra bien. Oui. Coucou Cendrillon, c'est Blanche-Neige. Alors ça y est, t'es au boulot? Oui. Eh, dis donc, tu m'avais parlé d'un poste de chef, tu t'es complètement plantée. C'est juste un boulot de femme de ménage. J'ai 3 heures pour aspirer 500 mètres carrés de locaux. Ah bon? Alors là, je comprends pas. Écoute, je vais en parler à mon prince UMP. Ce soir, il dîne avec Xavier Bertrand. Je suis sûre qu'il aura quelque chose pour toi. Alors sinon, Clochette me fait dire qu'elle sera absente ce soir. Tu peux dormir chez elle. Ça t'économisera une nuit d'hôtel. C'est gentil de sa part. Bon, faut que j'y retourne, ma belle. Ok. Bon courage. Bon anniversaire, Cendrillon! Ah, merci! Waouh! Tout le monde est là! Bon anniversaire, ma chérie, je t'ai bien eu, hein! Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères, que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur! Merci, les nains! C'est super gentil! Bon anni! Bon anni! Oh, excuse-moi, faut que je m'allonge. Cendrillon, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Je suis vraiment une salope. Je sais pas ce qui m'a pris, tu sais. J'en étais un chapitre hyper compliqué de ma tête. J'étais à bout de nerfs et j'aurais pas dû essayer cette pantoufle avec ton prince. Ça se fait pas. Je suis vraiment désolée. Pardon. Bon anniversaire. Allez, c'est pas grave ça. Je me suis expliquée avec Albert. En fait, tu sais quoi? Il est fétichiste. C'est dingue. Tu déconnes? Tu sais que son cas va vachement intéresser Henri. Bon, allez, on se lâche là! Champagne! Ça va mieux, Blanche-Neige? Ouais. Fais-moi une petite place, s'il te plaît. Poudane. Oh, non, ma tête. Oh, la lumière, ce que tu t'es prise. Ça fait plaisir de te voir comme ça. Et les nains? Quelqu'un est allé voir les nains? Cendrillon, t'es allé voir les nains? C'est bon, mère Courage, t'inquiète pas. Ils dorment. Tant mieux, il est quelle heure? T'es allé fumer un peu. 6h30. Ah là, il faut que je rentre préparer le petit-déj de Prince UMP. Non. Quoi? Tu plaisantes, là? S'il te plaît, dis-nous que tu plaisantes. Ben quoi? Ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Ah oui, moi aussi, ça me faisait plaisir de lui faire plaisir. Jusqu'au moment où j'ai découvert qu'il préférait se faire plaisir ailleurs. Dis, Blanche-Neige, sans rire, comment tu tiens avec tes 7 monstres et ton petit prince chiant comme la pluie? Oh, tu débordes jamais, t'assures sur tous les fronts. Un jour, tu vas péter un câble, je te le dis, moi. C'est vrai. Elle a raison. Tu penses à toi, des fois? Oui. Tout le jeudi après-midi, dans les bras de mon amant, je ne pense qu'à moi. Tu déconnes, là? Évidemment qu'elle déconne. Ben non. Vous vouliez savoir ce qui me fait tenir? Ben voilà, j'ai un amant. J'ai un amant. Je suis pas amoureuse, mais quand je suis avec lui, j'oublie tout. J'ai trouvé mon équilibre comme ça. Et je quitterai mes nains et mon prince pour rien au monde. Alors ça, un bon ami. C'est qui? Oh, peu importe, je vous le présenterai jamais. Il y a du champagne encore. Ouais, attends. Une petite coucoupe et après j'y vais. J'ai cherché une bouteille. Couvrez-moi. Oh là là, pourquoi c'est si compliqué que ça, l'amour, bordel, hein? Bah, tu sais, le couple, c'est juste une association de deux névroses. Suffit de bien choisir son névrosé. Ouais. Merci, Podane, j'y penserai la prochaine fois. Enfin, si j'ai le courage de replonger. Mais si, tu vas replonger, allez. Oui. Ah, oh, l'amour, l'amour, l'amour. Amour, l'amour. Amour, l'amour. Amour, bon, allez, il faut vraiment que j'y aille. Bon, je te dépose quelque part, Cendrillon, dans ma tuture. Ouais, ouais. Au boulot. Oh là là. Oh là là, oui. Je suis déjà en retard. Et quelqu'un vient m'aider pour réveiller les nains. Ouais, I'm coming. Bah, tu veux un peu de quiche pour ce midi, Cendrillon? Non, ça va aller. T'attends, elle est encore super bonne. Eh, merci hein, pour cette petite fête. Ça m'a fait hyper plaisir. En fait, je me rends compte que c'est pas facile, quoi. Allez, allez. On est là, ok. Oui. Ça va aller très bien. T'es hyper courageuse. Merci. Hyper courageuse. Allez, Léna, on y va. Hello, hello. Et moins fort, ça va pas non? Vous allez réveiller tout l'immeuble. Allez, allez, vous descendez les uns derrière les autres et en silence. T'es prête, Cendrillon? Oui, je suis prête. C'était Elles se marièrent et eurent beaucoup d'emmerdes de Hélène Le Gall avec Clémentine Saint-Toul, Julia Védis-Bogart, Marie Mosser, Olivier Clavry, Evelyne Guimara, Marc Vels, Nathalie Kousnetsov, Jeanne Villenay, Jacques Leplus, Régis Chaussard, Rémi Goutalier, Grégory Kidel, Henri David Cohen, Fabien Gravillon, Martin Amic, Yann de Monternot, Lisa Schuster, avec la participation de Simone Hérault. Bruitage Sophie Bissinte. Équipe de réalisation Clotilde Thomas, Éric Villenfin, Dalia A, Olivier Dupré, Philippe Carminati, Maya Bocquet, Jean-Mathieu Zandre.